crypto-monnaies poussent à peu près autant que les champignons à l'automne après les premières pluies. On en recense aujourd'hui près de 1500 pour une valeur totale de 550 milliards de dollars, dont le désormais célèbre Bitcoin, qui après s'être envolé à plus de 20 000 dollars l'unité, redescend tranquillement du fait de sa notoriété récemment acquise. Mais à quoi servent ces crypto-monnaies? Pourquoi un tel engouement tardif, au point que les États commencent à s'en inquiéter, et surtout les blockchains qui sont derrière sont-elles en train de changer la donne en matière de transactions et d'échanges numériques? Bitcoin, blockchain, les comptes de la crypto, c'est le titre de cette émission qui n'est compréhensible que par les personnes de plus de 40 ans. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, les contes de la crypto, les contes de la crypte, une célèbre série des années 80. Bref, pour aller miner dans les arcanes de ces monnaies virtuelles, de leurs cours fluctuants et des technologies qui leur sont liées, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici dans nos studios de France Culture, à la Maison de la Radio, Alexandre Stachchenko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la start-up Blockchain Partner, président de l'association ChainTech. Vous avez participé à cet ouvrage, La blockchain décryptée, les clés d'une révolution. Ouvrage que l'on peut trouver gratuitement sur votre site. On va mettre le lien sur notre fil Twitter dans un instant, ainsi que sur netexplo.org. Et nous sommes en duplex avec, depuis les studios de nos camarades de France Bleu Besançon, avec Ludovic Desmet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes ou sur en complément, hein, sur notre fil Twitter où on vient de vous mettre le lien vers la blockchain décryptée. C'est sur le compte @laméthodefc. Pour commencer, eh bien, il en aura fallu du temps finalement, hein, pour que les pouvoirs publics et l'opinion publique derrière eux se réveillent 10 ans quasiment, hein, puisque le Bitcoin, la première crypto-monnaie a été formalisée en octobre 2018, hein, avant d'être officiellement créée, c'était 2018, c'est cette année, excusez-moi, 2008 bien sûr, avant d'être créée le 3 janvier 2009. Que pensez-vous l'un et l'autre de toute cette publicité aujourd'hui, de cet emballement qu'il y a autour du Bitcoin, du rideau qui se lève autour de ces crypto-monnaies? Est-ce que c'est un bienfait? Est-ce que finalement c'est en train de dévoyer, de dénaturer ces crypto-monnaies, Alexandre Stachchenko? Bah, c'est une appropriation qui est forcément bienvenue, puisqu'on parle quand même d'une technologie assez révolutionnaire, donc qui a un potentiel, on pourra en reparler, on compare souvent ça à Internet, moi je parle souvent d'une technologie d'architecture. Une technologie d'architecture, c'est un peu comme des chemins de fer, c'est-à-dire qu'on peut discuter pendant 10 ans d'où est-ce qu'on les met, mais une fois qu'ils sont mis, les trains roulent dessus ou ils roulent pas. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on parle d'une technologie protocolaire, une technologie qui va être mondiale, qui va permettre de faire des échanges, des transactions, et la monnaie c'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui est au cœur de nos vies. Donc c'est une appropriation du grand public qui est bienvenue, évidemment. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'évidemment, cette appropriation du grand public, elle n'est pas forcément centrée sur les bons sujets. C'est-à-dire qu'on va parler de crypto-monnaies, on va parler de Bitcoin, on va parler d'autres crypto-monnaies parfois, mais on ne les aborde pas toujours sous le bon prisme. C'est-à-dire, au lieu d'aborder la révolution qui est sous-jacente, et vraiment de la transformation profonde avec des débats qui sont très profonds, on le verra tout à l'heure, mais il y a une question de pouvoir, il y a une question de monnaie, de souveraineté, de compétitivité, il y a plein de questions sous-jacentes qui sont très intéressante, eh bien on aborde ça plutôt généralement sous le point de vue de la spéculation, du terrorisme, de la drogue, etc. Alors que bah, finalement les chiffres sont jamais très rarement mentionné, donc c'est très souvent en fait on pense que c'est la drogue, c'est le bitcoin, c'est le terrorisme, j'attends très souvent des chiffres et on ne me les donne pas, qu'en réalité c'est un procès qui est un peu hypocrite, c'est-à-dire ce n'est pas parce que par exemple Daesh se finance en dollars qu'on va interdire les dollars. Donc il y a, pour moi c'est vraiment les deux faces, c'est-à-dire que c'est très important que le public et que les pouvoirs publics, on l'a dit tout à l'heure, s'approprient ces technologies-là parce que c'est nécessaire et que pour moi c'est une révolution bien plus que technique, c'est une révolution sociétale. Internet c'était une révolution technique au départ, c'était HTTP, c'était TCP/IP, c'était des protocoles. Mais in fine, c'est une révolution sociétale. Et on a perdu cette bataille sur Internet dans certains points de vue. Si on, ne serait-ce que par exemple d'un point de vue culturel, la liberté d'expression sur Twitter, c'est pas la liberté d'expression européenne, c'est la liberté d'expression américaine. Un nu sera censuré alors qu'une image, encore une fois, de Daesh sera librement postée sur Twitter. Donc on voit bien qu'il y a quand même des enjeux culturels et sociétaux derrière. Et il serait bien que après cette phase d'appropriation sur les mauvais sujets, entre guillemets, on puisse avoir un vrai débat sur les sujets de fond. Débat qu'on commence quand même, hein, je ne suis pas en train de dire que tout le monde ne parle que de ça, qu'on commence à avoir notamment avec les régulateurs, l'AMF, la CPR, la Direction Générale du Trésor, qui, voilà, au sein de ces groupes-là, il y a des personnes qui ont compris les enjeux et qui travaillent avec nous sur ces sujets. Et que nous allons essayer d'avoir au cours de cette heure, Ludwig Desmet, sur cette appropriation, ce lever de rideau, en fait, cette nouvelle notoriété autour de ces crypto-monnaies. Qu'en pensez-vous ? Moi, c'est plutôt bienvenu, effectivement. Je serais sur un registre un peu différent, mais il y a la technologie, mais de mon point de vue, donc pour un économiste, on parle beaucoup de monnaie depuis 2-3 ans. Qu'est-ce que la monnaie ? Qu'est-ce qu'elle est censée faire ? À quoi ça sert ? Comment elle est émise ? Comment elle est monnayée ? Etc. etc. Et du coup, avec il y a une bulle médiatique, il n'y a pas qu'une bulle financière, mais il y a une bulle médiatique, mais on se rend compte dans des manifestations publiques, etc., que les gens qui généralement passaient devant le stand des deux ou trois collègues qui peuvent parler de monnaie viennent nous voir, nous demandent qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que bon, alors éventuellement est-ce qu'il faut investir là-dessus, etc. Mais ça c'est pas forcément notre rôle, mais ça pose vraiment des problèmes. Surtout que la monnaie, c'est une question qui pose problème aux théoriciens de l'économie, hein, parce que généralement c'est mis de côté, parce que ça pose tout un tas de problèmes pour essayer de concevoir l'équilibre économique, etc., etc. Et donc oui, je trouve ça plutôt sain qu'on débatte de ces questions sur la place publique. Alors on entend bien, hein, il est impossible de dissocier le Bitcoin, les crypto-monnaies de la technologie qui rend ces crypto-monnaies possibles. On va essayer d'en faire le tour en commençant peut-être par le commencement, hein, les origines. Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system, c'est la Bible, l'ouvrage fondateur en tout cas, publié, je le disais tout à l'heure, le 31 octobre 2008 par un certain Satoshi Nakamoto, dont l'identité réelle reste inconnue. Quel est le point de départ que l'on trouve dans ce texte fondateur du Bitcoin et de la blockchain, qui est donc la technologie qui est derrière? Quelle est l'intention que l'on peut prêter à cet auteur putatif, qui n'est peut-être d'ailleurs pas une seule personne, mais un collectif? Bref, dites-nous. Alexandre Stachenko. Alors, il y a un point de départ qui est en fait une sorte de tâche de fond idéologique. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est pas né de n'importe où en 2008 parce que, tiens, quelqu'un s'est dit qu'il fallait publier Bitcoin. Il y a un héritage idéologique dont certains parlent très bien, qui est celui des cypherpunks, qui est celui de la monnaie numérique. Il y a eu plusieurs essais avant Bitcoin de faire une monnaie numérique. Dans les années 80-90, il y a eu DigiCash, voilà, il y a eu d'autres tentatives comme ça. Mais ces tentatives se confrontaient toujours à un problème qui était que sans autorité centrale, on n'arrivait pas à prévenir un problème majeur qui est celui de ce qu'on appelle le double spending, c'est-à-dire la double dépense. En l'occurrence, quand on parle d'échange de valeur, une des principales choses contre lesquelles on veut se prémunir, c'est de dépenser deux fois un jeton de monnaie. Parce que si je donne 10 euros et que j'ai toujours 10 euros après, ça perd un peu le concept. C'est-à-dire la monnaie n'a plus de valeur. Donc ça, on n'arrivait pas à le faire sans autorité centrale. Et donc c'était un problème parce que finalement, à partir du moment où on a une valeur qui pouvait être complètement fermée et verrouillée par quelqu'un, ça veut dire qu'il fallait faire confiance à cette personne et on retournait sur le système tout à fait classique. Mais il y a des raisons plus court terme, à mon avis, là-dessus, c'est que, et on l'aura tous compris, évidemment, fin 2008, c'est pas non plus anodin comme contexte, c'est la crise financière. Et évidemment, la crise financière, selon moi, a été un terreau très très fertile à ce que quelqu'un arrive en disant « voilà mon idée d'une monnaie qui ne dépendrait pas des banques ni des États ». Alors évidemment, quand on dit ça au moment où il y a une crise financière, mais qui de surcroît, au-delà de la crise financière, c'était une crise de confiance, c'était une crise où les gens ne faisaient plus confiance aux banques. Qu'est-ce que font les banques de mon argent? Où est mon argent? Et ça, il y a plein de gens qui ne savaient pas y répondre. Et je pense que certaines banques ne savaient même pas y répondre. Donc, il y avait vraiment cette crise de confiance. Et donc, dans l'idéologie, il s'agissait vraiment de créer une monnaie. Alors, on peut reprendre le titre même du papier de Satoshi Nakamoto, qui était de faire du cash électronique pair à pair. Et donc, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire du cash, donc vraiment une sorte de monnaie qu'on puisse s'échanger, qui soit liquide, qui soit très facile à échanger. Électronique, évidemment, on retrouve la dimension numérique. Il faut que ce soit la monnaie du monde numérique. Et pair à pair, qui était très important, qui était vraiment le point central, qui était de dire indépendante, c'est-à-dire sans autorité centrale et surtout sans tiers de confiance. Donc, c'est cet héritage-là de dire on n'a pas encore, on a désintermédié plein de choses. Internet a désintermédié l'information. Avant, on avait la poste. Maintenant, on a Gmail, Outlook, Orange, on en a plein. Et bah, c'est la même chose pour la monnaie. Avant, on avait la monnaie nationale. Maintenant, on a une monnaie numérique qui ne dépend pas des États et qui, du coup, aujourd'hui, alors on parlait de monnaie, de crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a d'autres. Enfin, on parle de plus en plus de crypto-actifs puisqu'on fait autre chose que de la monnaie avec ces jetons numériques. Mais le débat est vraiment celui-ci, c'est-à-dire des jetons de valeur indépendants du système traditionnel qui peuvent derrière devenir monnaie, réserve de valeur, vote, action, plein de choses. Ludovic Desmet, sur ce terreau idéologique en pleine crise financière, Alexandre Stachtchenko vient de le dire, hein, effectivement, ce n'est pas le début, ce n'est pas la première fois qu'on essaye de mettre en place une monnaie indépendante des pouvoirs financiers. Quel est le tournant, outre le tournant technologique dont on parlera tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup cette monnaie-là prend, selon vous? Peut-être qu'il faut réexpliquer aussi la différence entre cette monnaie qui est strictement numérique de la monnaie réelle, de celle que nous utilisons, qui est pour grande partie aussi, hein, aujourd'hui pour 90% numérique. Effectivement, oui, en France, la monnaie fiduciaire, billets et pièces, c'est à peu près 5% de la masse monétaire. C'est un peu plus dans certains pays, mais en gros, c'est entre 5 et 10%. Donc la monnaie est numérique ou électronique depuis au moins une trentaine d'années, depuis qu'on a mis en place des protocoles entre les banques à la fin des années 70, début des années 80, pour faire des virements, etc. etc. Donc les virements en compte sont depuis très longtemps numérisés, électronisés et passent par des terminaux informatiques. Mais la grosse nouveauté de Nakamoto, alors qui vient après d'autres recherches dans les années 90 sur des moyens de paiement du même type. Il y avait Nick Szabo qui avait proposé ça une quinzaine d'années, mais je pense que la question du timing est effectivement très importante. C'est que ça a pris, alors qu'en 95 par exemple ou en 2000, on avait à peu près une préfiguration du système, ça n'avait pas pris, mais en 2008-2009, on est en plein œil du cyclone financier. Et là, on se dit, eh ben oui, si on essayait. Parce qu'au début, c'est une expérimentation. Si on essayait de se passer des banques, et d'ailleurs, le Bitcoin au début n'est pas échangeable en monnaie traditionnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment un circuit fermé. C'est un circuit totalement alternatif. On essaye de voir si ça peut marcher entre nous, s'il n'y a pas de faux monnayeurs qui s'introduisent dans le système, etc. Et on verra, en grossissant, si ce système est efficace. Et à part bon 2-3 dérives par-ci par-là, mais qui ne tiennent pas à la blockchain, on a effectivement un système qui semble efficace, qui évite les faux monnayeurs et qui permet de transférer des moyens de paiement sans qu'il y ait de double paiement. Et donc sans banque, on est dans un monde qui à l'origine, parce qu'aujourd'hui ça s'est complexifié, mais qui à l'origine essaye de contester les moyens de paiement traditionnels et de s'affranchir de ce qu'on connaissait depuis des siècles, c'est-à-dire d'un teneur de compte qui s'appelle une banque. On entend bien, hein, cette volonté de libération, en tout cas de sortir de ce joug bancaire au moment où précisément l'institution bancaire défaille une fois de plus au cours de la crise de 2008. Mais au début de cette monnaie, le Bitcoin, finalement, ça s'adresse à une toute petite communauté. C'est une communauté certes internationalisée, mais ça s'adresse à assez peu de monde. À quoi sert cette valeur de référence? Pour quel type d'échange? Comment est-ce qu'elle va prendre en ampleur au fur et à mesure de ces premières années d'utilisation, Ludovic Desmet? Alors, à l'origine, il s'agissait d'échanger, je pense, des services ou éventuellement des logiciels, mais de manière, encore une fois, fermée. Enfin, je pense que M. Tchachenko est plus avisé que moi là-dessus, mais j'ai l'impression, il me semble que la liste de diffusion du papier initial de Nakamoto, c'est quelques centaines de personnes qui étaient abonnées. Donc, c'est vraiment un tout petit monde. Et ça beau être internationalisé, je pense que ces gens se connaissaient plus ou moins. Même si on opère sous pseudonyme, il y avait quand même une notion de communauté quand même qui se rejoignait autour de la cryptographie, du codage et éventuellement effectivement du rejet des autorités traditionnelles. Et puis alors le grand pas en avant, c'était le jour où un de ces opérateurs ou un de ces échangistes a décidé d'acheter une pizza qui, il me semble, c'était 10 000 bitcoins pour une pizza. Et à partir de ce moment-là, on a connexion avec l'autre monde qui est le monde traditionnel des monnaies qui existent, des monnaies étatiques et des monnaies régulées par les banques. Et là, on a la rencontre de ces deux univers. On peut rejoindre, ça me fait penser à quelque chose qui a à peu près 4 siècles aujourd'hui, c'est quand les Européens découvrent le soi-disant Nouveau Monde, ils trouvent des communautés qui échangent avec un moyen de paiement qui s'appelle le wampum, qui est un coquillage en fait. Hein, ceux qu'on appelle les Indiens échangent des prestations, des paiements, échangent avec des coquillages. Les Européens arrivent avec leurs pièces métalliques et se disent, comment on va échanger avec ces gens-là? Et en fait, on se met à faire des transactions et à faire des taux de change entre ces coquillages et les espèces métalliques qu'on a ramenées de l'ancien monde. Il y a un peu de ça dans ce dont on a assisté il y a une dizaine d'années. Là. Est-ce que cette première équivalence entre le bitcoin et les monnaies centralisées, ça n'est pas le premier pas du dévoiement vers le système que vous dénonciez tout à l'heure et finalement le lien vers cette première utopie, en tout cas, de se dire on change, on se départit des banques, on sort du système financier traditionnel pour créer une forme d'utopie monétaire, entre guillemets? C'est le fondement philosophique, effectivement. Donc après, aujourd'hui, il n'y a pas que le bitcoin, et même le bitcoin, aujourd'hui, il y a des différentes chapelles dans la communauté bitcoin qui pensent que ça doit être une monnaie ou une réserve de valeur ou d'autres choses. Donc on va dire que au fur et à mesure que la communauté s'est élargie, on va dire que l'idéologie était de moins en moins pure, ce qui est tout à fait normal. C'est n'importe quelle communauté qui s'élargit, finalement, perd la pureté de son idéologie. Mais ce qu'il faut retenir dans la démocratisation de bitcoin, et pourquoi au départ c'était 100 personnes, puis 1000, puis 2000, etc., c'est que bitcoin n'échappe pas à la règle des monnaies en général, c'est que une monnaie, c'est la force de son consensus. Une monnaie, ce n'est qu'un consensus. C'est est-ce qu'une communauté l'accepte pour payer et pour recevoir des paiements. Donc ça peut être des coquillages, ça peut être des rotules, des os, ce qu'on veut. Dans l'histoire, évidemment, on a mis un certain nombre d'années avant d'arriver à de la vraie, ce qu'on appelle aujourd'hui de la vraie monnaie, c'est-à-dire des jetons de valeur qui sont émis par quelqu'un. On s'est passé par l'or, les métaux précieux, etc. Mais par exemple, il y a eu dans l'histoire pendant très très longtemps une idée de rareté sur la monnaie. On se sert de l'or parce que c'est rare et que c'est compliqué d'en émettre de l'or. On peut faire qu'en trouver de l'or et c'est très compliqué d'en trouver. Et depuis la fin de l'étalon or, cette idée, on s'en est séparé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout à fait naturel, par exemple, de faire du quantitative easing et d'émettre de la monnaie en permanence, alors qu'en fait, ça ne fait qu'une trentaine d'années que c'est, entre guillemets, naturel. Donc, sur la partie consensus, évidemment, au début, ce certain Satoshi Nakamoto discute avec sa communauté de ce qui est une expérimentation. Certaines personnes dans la communauté considèrent que Bitcoin est aujourd'hui encore une expérimentation. Et après, évidemment, ça se nourrit des crises du système, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça se construit contre le système. Donc, quand on a la crise financière, évidemment, le terreau est fertile. Quand, 2-3 ans plus tard, on a la crise chypriote, pendant laquelle les banques chypriotes disent on n'a plus d'argent, donc on va prélever sur tous les comptes, évidemment, le bitcoin, c'est un terreau très fertile, donc va progresser. Quand, il y a 2 ans, même pas 2 ans d'ailleurs, c'était fin 2016, la Banque Centrale Indienne annonce que, en fait, tous les billets de 500 et 1000 roupies, ils vont être enlevés de la circulation de manière unilatérale. Tout ça, ce sont des choses qui nourrissent le bitcoin. Donc, en fait, le bitcoin s'est construit vraiment parce qu'il y avait une défiance de plus en plus grande vis-à-vis de tout ça. Alors, il y a plein d'autres connexions avec les fake news, etc. Enfin, on pourrait discuter et disserter des heures dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Ça se nourrit de la défiance du système et de tous ceux qui en sont exclus. Ça, c'est quelque chose. C'est pas que ceux qui ne font plus confiance aux banques. C'est ceux aussi auxquels les banques ne font pas confiance. Et je parle là de la moitié de la population mondiale, ce qui n'est pas rien. Et qui dit défiance en un système dit confiance en un autre. Or, pour avoir confiance, encore faut-il que cette nouvelle valeur soit une valeur sûre. Or, la sécurité, elle est assurée par la partie technologique du Bitcoin, qui est cette invention géniale, la blockchain. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Nous parlons donc Bitcoin et blockchain. On va ouvrir le capot ou le coffre de la banque plutôt pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur en compagnie d'Alexandre Stachenko et en duplex depuis les locaux et les studios de France Bleu Besançon avec Ludovic Desmet. Alors cette blockchain, on va essayer de comprendre à peu près non pas seulement comment elle marche, mais surtout pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est considérée comme une nouvelle façon de sécuriser des échanges de pair à pair et d'une façon suffisamment sûre pour qu'elle prenne aujourd'hui une ampleur beaucoup plus large que les simples crypto-monnaies. Un mot donc, Alexandre Stachenko, c'est à vous que va incomber la lourde tâche d'essayer d'expliquer le système du blockchain. Au début, pourquoi est-ce que le système paraît aujourd'hui quasiment inviolable? En quelques mots déjà, pour essayer de comprendre ça. Alors le système paraît quasiment inviolable parce que en fait justement on parle très souvent dans la communauté de système trustless, donc c'est-à-dire sans confiance. C'est-à-dire que, on le disait tout à l'heure, la base idéologique de Bitcoin, c'est de dire on ne peut faire confiance à personne finalement. Et donc j'ai besoin de faire confiance à quelque chose quand même, mais quelque chose qui serait inviolable. Et l'idée qu'a eu Satoshi Nakamoto, c'est de dire ce qui est inviolable, c'est les maths. C'est-à-dire un résultat mathématique, il est vrai ou il est faux, mais il n'est pas à moitié vrai, à moitié faux. Et donc en fait, la manière dont il a construit ce système informatique, entre guillemets, pour sécuriser le Bitcoin, c'est que les gens qui participent au réseau, et donc qui connectent leur ordinateur, on appelle ça des nœuds, généralement des nœuds du réseau, vont fournir de la puissance de calcul, et en fait vont alimenter une sorte de pool de puissance de calcul qui devient monstrueuse, puisque finalement tout le monde sur la planète peut participer à cette puissance de calcul. Aujourd'hui, si je fais une comparaison pour qu'on se rende compte de la puissance de calcul disponible, il y a ce qu'on appelle entre 10 et 15 hexa-hash par seconde. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hexa-hash par seconde? C'est simplement un hash, c'est un résultat de calcul. Et en fait, hexa, c'est 10 puissance 18 de tête, je crois, je ne suis pas exactement sûr. Donc ça veut dire que chaque seconde, on a le réseau qui calcule 10 puissance 18 fois 10 ou 15, résultat de calcul. Et donc ça, si je fais une échelle, c'est-à-dire que si un hash c'était un millimètre, chaque seconde on fait 100 fois, 200 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est monstrueux. Et en fait, le fait d'accumuler cette puissance de calcul, pourquoi ça rend le réseau trustless? Parce qu'en fait, n'importe quel acteur qui voudrait frauder ce réseau serait obligé de mettre plus que le réseau complet. Et donc là, comme tout le monde se ligue. Et alors, il y a de la théorie de jeu qui rentre en compte là-dedans, évidemment, chacun y trouve son intérêt, on pourra détailler si on y a 10-15 minutes, mais quelqu'un qui voudrait frauder se retrouve contre un réseau qui est ligué contre lui, et ça devient monstrueux. Vous avez, si vous prenez tous les ordinateurs de Google, ou même des grosses boîtes sur cette planète, ils ne représenteraient que 0,001% de la puissance de calcul totale. Donc, même si vous aviez un consortium qui se liguait contre cette puissance de calcul, aujourd'hui, ce serait extrêmement compliqué d'aller frauder ce qui s'y passe. Alors, c'est pour bien comprendre, hein, au tout départ, on parle de blockchain, donc d'une chaîne de blocs, c'est parce qu'effectivement, le principe, je vais essayer de le résumer, et vous allez me corriger si je me trompe ou préciser mon propos, c'est que dans une chaîne de blocs, dans une blockchain, il y a donc l'historique de la totalité des transactions réalisées sur le réseau par la totalité des utilisateurs depuis le début de la mise en circulation de la première unité, c'est-à-dire depuis le premier bloc. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas A attend ou B attend, on dit voilà l'historique de l'intégralité des transactions réalisées par A depuis la date zéro, donc voilà aujourd'hui à tel endroit de la chaîne le solde de A. Tout à fait. En fait, c'est comme si au lieu de dire je débite mon compte de 100 et je crédite le vôtre de 100, quand je vous donnais de l'argent, c'est comme si j'étais obligé de dire ces deux bitcoins que je vous donne aujourd'hui, je les ai reçus hier de Marc, qui les a lui-même reçus de Alice, qui les a reçus de Samantha, qui les a reçus de jusqu'à la création de ce bitcoin. Donc en fait, on ne peut pas dépenser un bitcoin sans prouver d'où il vient. Et donc c'est vraiment, il y a un changement de logique. On n'est pas dans la tenue de compte, on est dans la tenue de transaction. On répertorie toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début. Et tout cela par bloc d'un méga, donc d'un mégaoctet à peu près. Ça, c'est sur Bitcoin en particulier. Voilà. C'est qu'après chaque blockchain, donc on parle de la blockchain, mais en fait, il faudrait mieux parler des blockchains, parce que chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain, qui est son propre registre finalement. Mm-hmm. Chaque blockchain a ses propres caractéristiques techniques. Alors, est-ce que la taille du bloc, c'est un méga, c'est deux mégas? Est-ce qu'on valide en 10 minutes, 5 minutes? Voilà. Mais le principe de base étant celui qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme on veut s'affranchir des banques, il va falloir remplir leur rôle avec autre chose. En l'occurrence, un des rôles fondamentaux des banques, c'est de vérifier qui a quoi. Parce que sinon, on retombe sur le problème de tout à l'heure de la double dépense. Si personne ne vérifie ce que j'ai, je dépense 10 euros et le lendemain, je les redépense. Donc, il faut trouver un moyen astucieux de vérifier sans personne, ou en tout cas sans autorité de confiance, que quelqu'un qui dépenserait des bitcoins ne le dépense pas une deuxième fois. Et donc ça, comment on a organisé? On a organisé ça en décentralisant, donc c'est-à-dire en disant il n'y a personne au-dessus des autres. C'est vraiment chaque nœud du réseau, je reprends le terme de nœud, donc finalement des ordinateurs connectés, est égal à un autre nœud du réseau. On peut rejoindre, moi je peux rejoindre le réseau Bitcoin, vous pouvez le faire, n'importe qui peut le faire, c'est disponible en ligne sur plein de sites, on peut très bien télécharger le registre, etc. C'est ouvert. Et donc une fois que ça c'est décentralisé, eh bien il y a un problème qui est celui de dire quel est ce registre de transactions. Parce qu'évidemment, un réseau décentralisé sur la planète, c'est compliqué de faire du temps réel déjà, par exemple, ne serait-ce qu'avec de la latence du réseau, ça devient compliqué, et c'est compliqué de se mettre d'accord. Donc c'est compliqué d'avoir un consensus sur un état de registre. Donc en fait, la décision qui a été prise, c'est de dire, eh bien toutes les 10 minutes, alors sur Bitcoin encore une fois, ça peut être un autre chiffre, mais toutes les 10 minutes, on va passer à un nouvel état de la vérité. Donc c'est-à-dire que si par exemple on est au bloc 45, on peut assimiler ça à la page 45 d'un registre. Mmh. Donc chaque page, il y a un certain nombre de transactions. Et bien si on veut passer à la page 46, c'est toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, on tourne et on met à jour le registre pour tout le monde. Et ça, pour le coup, c'est ce processus-là qui est central et qui est celui dont je parlais tout à l'heure avec la puissance de calcul. C'est-à-dire que pour passer du 45 au 46, en fait, il y a une sorte d'élection aléatoire qui est faite par les mathématiques, c'est-à-dire que chacun va essayer de calculer ce qui se passe sur le réseau, et il y en a un qui va trouver un résultat de calcul avant les autres et qui va dire j'ai trouvé, c'est une moi preuve qui de travail. Ce qu'on appelle la preuve de travail. Et donc du coup, il va proposer son résultat de calcul, ce faisant, il propose également la page 46. Mais évidemment, comme chacun possède le registre, eh bien il va pas juste l'accepter, on va vérifier qu'il n'a pas mis de transaction frauduleuse dans cette page 46. Encore une fois, il est pas en train de dire sur la page 46 que Sam a dépensé 100, il est en train de dire que Sam à utiliser les bitcoins de la page 44. Donc évidemment, moi, en tant que nœud du réseau, je vais vérifier qu'à la page 44, ça n'a pas été dépensé depuis. Et donc, cette page est ajoutée. Et pourquoi les gens font ça? Puisque on ne peut pas non plus considérer que les gens sont tous des bons samaritains. Et qu'ils font ça gratuitement. Pour le bonheur exactement, de la philosophie du bitcoin et de créer un peu idéologique de penser ça. C'est que chacun recherche son propre intérêt. Et donc, la beauté de la chose, c'est que c'est pas que technique, c'est économique. C'est-à-dire que si vous arrivez à être cette personne-là qui trouve un résultat mathématique avant les autres, vous êtes récompensé par le réseau par de la création monétaire. Voilà. Donc toutes les 10 minutes, on rajoute de la monnaie dans le toutes système. Toutes les 10 minutes sur Bitcoin, il y a sur le réseau Bitcoin, il y a des nouveaux Bitcoins qui sont créés et qui sont attribués à qui ? À celui qui a gagné la compétition dont on parlait tout avant, qui est une compétition. Qui a trouvé la preuve de travail mathématique qui permet de boucler une page du registre. Exactement. Et après, on passe à la page suivante et rebelote 10 minutes plus tard. Ludovic Desmet, quand on entend ce système, ça a l'air, en tout cas sur le papier virtuel, passez-moi le mauvais jeu de mots, un système économique assez imparable. Oui, c'est très malin. Le papier de Nakamoto, quel qu'il soit, est quand même assez fascinant, parce qu'on a à la fois le mécanisme incitatif, il faut que des mineurs participent donc au travail général, et comment on va les faire gagner toutes les 10 minutes. Des mineurs, de vous interrompre, des mineurs, c'est pour préciser, c'est les personnes qui arrivent à écrire une page de c'est toutes les personnes qui participent en même temps pour essayer d'écrire une page qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour que le réseau puisse. On les appelle des mineurs parce qu'il y a une comparaison avec l'or, en fait, justement, c'est d'aller chercher de l'or, c'est des mineurs qui vont chercher de l'or. Là, Bitcoin a été comparé avec l'or, et donc on parle de mineurs de Bitcoin. Voilà. Ludovic Desmet, donc on a ce mécanisme incitatif, et puis en plus ça rejoint assez récemment, il y a des papiers assez aboutis en théorie monétaire qui disaient qui avait abouti à la conclusion que la monnaie c'est de la mémoire, money is memory, et on est en plein là-dedans. Effectivement, il faut qu'on ait une mémoire des transactions. Alors dans ce cas-là, la mémoire est ouverte à tout le monde. Généralement, on fait appel à un intermédiaire particulier qui garde ça dans ses coffres, et là la mémoire est affichée et donc permet d'éviter l'introduction dans le réseau de faux bitcoin. En revanche, il y a toujours plusieurs aspects à voir. Chaque bitcoin, comme il a été dit, est spécifique. Ce qui contrevient à des choses plus élémentaires en termes de pratique monétaire, c'est-à-dire que généralement un euro vaut un euro. Quel que soit l'émetteur et quel que soit l'utilisateur de cet euro, il est fongible, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut on peut passer de l'un à l'autre. Alors que chaque bitcoin est très spécifique par sa chaîne de transactions qu'il a amené au moment présent. Et ça peut aussi poser des problèmes, c'est-à-dire qu'on pourrait penser éventuellement que des bitcoins étant passés par un certain nœud qui paraît plus ou moins vicié pour les participants au réseau, pourraient être rejetés dans les paiements. Ça peut être une des conséquences de cette résolution du problème. C'est-à-dire qu'en résolvant le problème traditionnel de la monnaie, on en pose d'autres. Alors c'est pas le seul, et c'est peut-être pas le plus important, mais en même temps, le nouveau système provoque aussi des nouveaux problèmes, des nouvelles complexités dont qu'on va aborder. Hein. On va en poser un certain nombre. Quelques questions de béotiens pour essayer de bien circonscrire et de bien comprendre ce système de la blockchain et du lien entre blockchain et Bitcoin. Pour commencer, simplement, peut-être Alexandre Stachenko. Puisque n'importe qui peut devenir mineur en ajoutant de la puissance de calcul à la puissance de calcul collective, finalement, ça veut dire que moi-même, je peux être mineur chez moi avec mon ordinateur, avec mon petit ordinateur de la maison, et puis, avec un peu de chance, vu le cours du bitcoin en ce moment, gagner des bitcoins très vite et très facilement. Alors, c'est à tempérer, c'est-à-dire que, en théorie, oui. En théorie, moi je peux, et vous pouvez, et n'importe qui peut, télécharger un logiciel qui permet de calculer, participer à la puissance de calcul globale, et calculer, et espérer gagner avant les autres. Maintenant, revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi qui participe, c'est comme si sur ma distance Terre-Soleil 1000 fois, j'arrivais et que je disais, moi je suis capable de faire un pas. Bah en fait, je ne représente rien vis-à-vis du réseau. Donc en fait, ma probabilité de gagner sera probablement epsilon. Et donc je vais dépenser de l'énergie, de l'électricité. Ça coûte de l'électricité de calculer sur un ordinateur. Donc je vais dépenser de l'électricité de manière continue, puisque ça, pour le coup, je la dépense de manière sûre, pour une probabilité de gagner qui est proche de zéro. Donc en fait, en tant que particulier aujourd'hui, d'autres crypto-monnaies, ça peut être rentable de les miner, parce qu'elles sont moins mainstream. Mais Bitcoin, aujourd'hui, en tant que particulier, c'est extrêmement compliqué de le rendre rentable. Donc, il y a des entreprises qui ont fait des fermes, ce qu'on appelle des fermes, qui ont mis plein de serveurs ensemble et qui participent. Des fermes de minage. Fermes de minage, exactement. Il y en a dans les pays, soit où l'énergie est pas chère, donc en Chine, ou en bas des barrages, où par exemple, il y a plein d'énergie qui serait perdue autrement, ou bien dans les endroits où il fait froid, parce que ça coûte moins cher. En Suède, en Islande, où ça coûte moins cher de refroidir des serveurs qui chauffent toute la journée. Donc, Bitcoin, aujourd'hui, en tant que particulier, non. Ou alors bon courage, mais les autres crypto-monnaies, c'est encore possible pour certaines d'aller miner tout seul comme un grand. Voilà. J'aurais juste. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de la sécurité. J'allais y venir. Voilà, exactement. Pour moi, il y a deux aspects de la sécurité. Et en fait, même hors blockchain, on a tendance à trop se focaliser sur la sécurité technique. C'est-à-dire que n'importe quel expert de la cybersécurité vous dira que la principale cause des hacks, c'est ce qu'on appelle ça entre l'ordinateur et la chaise. C'est-à-dire que c'est pas le système informatique qui est en cause. Généralement, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir un système super sécurisé, mais si je vous donne le mot de passe, bah, il a beau être super sécurisé, vous avez le mot de passe, donc vous rentrez dedans. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Bitcoin, techniquement, est presque parfait. Je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, ce serait presque parfait. Ça n'a jamais été hacké au niveau du protocole. Donc, ce qui est déjà un exploit technique remarquable. Mais vous avez ce qu'on appelle des mots de passe sur Bitcoin. Donc, par exemple, on voit très souvent plein de hacks de Bitcoin, des vols de Bitcoin. Bah, ça, c'est très simple. C'est du hacking social, comme dans plein d'autres domaines de cybersécurité. C'est-à-dire que si je vous prends votre mot de passe Bitcoin, évidemment, j'ai accès à vos Bitcoins. C'est pas pour autant que le protocole, lui, est remis en cause. C'est la même chose si je hack Facebook. C'est pas TCP/IP qu'on remet en cause. Juste un ou deux mots à propos de la sécurité. Qu'est-ce qui garantit précisément que ce système de blockchain est quasi inviolable par des ordinateurs actuels, c'est-à-dire par des gens qui, à un moment donné, pourrait se glisser entre deux nœuds et écrire une page à la place d'un autre, je ne sais pas. Et on entendait tout à l'heure Ludovic Desmet dire qu'il y a des nœuds viciés. Ça veut dire qu'il y a des pages du registre qui sont moins fiables que d'autres. Expliquez-nous ça en quelques mots. Non, la question de la fongibilité est d'ailleurs rarement abordée, alors que c'est assez important. C'est qu'effectivement, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut lire partout, c'est-à-dire que Bitcoin serait anonyme et que du coup ça finance le terrorisme, etc., Bitcoin fait partie des monnaies les plus traçables du monde. Donc, un terroriste aujourd'hui qui utiliserait Bitcoin, il faut qu'il ait conscience qu'il est en train d'utiliser une monnaie qui est publique et on peut voir toutes ses transactions. Puisque tout le registre est disponible et accessible à tout le monde, comme on vient d'expliquer. Donc, par contre, ça pose effectivement le problème de fongibilité. Ce qui est que, typiquement, si je peux identifier, par exemple, qu'un Bitcoin est passé entre les mains d'un terroriste, eh bien, je peux me dire que ce Bitcoin-là vaut en réalité moins cher qu'un nouveau Bitcoin, puisque j'aurais plus de mal à le dépenser. Parce que c'est un mauvais Bitcoin, il est passé entre les mains d'un terroriste. Donc en fait, je me retrouve avec un Bitcoin qui vaut par exemple 10 000 et un autre qui vaut 11 000 parce qu'il est propre. Et donc on a un vrai problème de fongibilité, parce que normalement, c'est ce que disait Monsieur Desmet, c'est que dans la monnaie, normalement, on n'est pas censé pouvoir différencier un jeton d'un autre. Et pour les nœuds viciés, en réalité, c'est pas les nœuds qui sont viciés. C'est-à-dire, on n'a pas de page de registre qui est plus fiable qu'une autre. On pourrait avoir quelqu'un qui dit, bah moi, je fais jeu tout seul et je fais mon propre registre et qui même me suive. Très bien, mais s'il fait son registre tout seul, par définition, la monnaie est en consensus, il fait consensus avec lui-même, et ben il peut se payer lui-même. Voilà, et c'est fini. Donc en fait, personne n'a intérêt à faire ça. C'est pour ça que je disais, il y avait un jeu d'incitation, de théorie des jeux, etc. Par contre, ça arrive que, et d'ailleurs c'est arrivé l'an dernier, qu'il y ait une partie du réseau qui refuse, par exemple, des améliorations de protocole, qui considère que la monnaie ne prend pas le bon chemin, et qui donc disent, bah, je ne suis pas tout seul, j'ai une communauté de gens dans Bitcoin qui n'a pas envie de suivre ce chemin-là, donc qui même me suivent, mais il n'est pas tout seul. Peut-être qu'il prend avec lui 10%, 15% du réseau. Bon, il fera une autre monnaie qui sera acceptée si elle se développe et si elle fait consensus. Mais ça arrive effectivement. Et c'est ce genre de choses, on appelle ça des forks, donc des fourches entre guillemets. Parce que justement, c'est un peu comme en SVT. Vous savez, on avait les ancêtres communs. En phylogénétique, voilà, oui. Exactement. Et bah, là, c'est pareil. Il y a une branche qui se sépare. Il y a un ancêtre commun jusqu'à un certain point où deux branches se séparent et font deux monnaies différentes. Et on les retrouve dans les crypto-monnaies parce qu'il y a des bitcoins machin. Il y a des bitcoins cash, des bitcoins gold, il y a des bitcoins tout court. Il y en a probablement d'autres qui existeront dans le futur. Ludovic Desmet, un mot, sur cette question de la fongibilité, est-ce que c'est un péril pour ces crypto-monnaies qui, à un moment donné, on va se retrouver effectivement avec des jetons de valeurs différentes. Je peux avoir un bitcoin qui coûte plus ou moins cher que le vôtre. Ça va finir par poser des problèmes d'achat ou d'égalité devant l'achat ou devant les transactions. C'est-à-dire qu'on est en pleine phase d'expérimentation là. On vit depuis une dizaine d'années quelque chose de totalement révolutionnaire. Donc, je pense qu'on aura ce type de problème qui va se poser. Mais comme quand on a expérimenté la monnaie bancaire, on a aussi eu des banques qui surémettaient et donc qui faisaient faillite et leurs billets devenaient. Il y avait des taux de change entre les billets de banque. On a le système écossais qui est un exemple de ce qu'on appelle free banking ou le système américain au 19e siècle. On a eu totalement ce genre de. C'est-à-dire que on avait trouvé la nouvelle pierre philosophale qui était la presse à imprimer en gros. Et puis on a plein de banquiers qui s'installaient. Et puis on se rendait compte que les billets de certaines banques étaient bien plus fiables que celles d'autres. Et puis on a eu des disparitions, on a eu des trafics, etc., etc. On est dans cette phase d'expérimentation, il me semble. Et puis à un moment donné, alors on y reviendra peut-être plus tard, mais il a fallu, c'est les banquiers eux-mêmes d'ailleurs qui l'ont demandé, il a fallu, et la population, il a fallu réguler tout ça. Et aux États-Unis, on s'est entiché de ce que les Européens connaissaient depuis bien plus longtemps, c'est-à-dire d'une banque centrale qui régulait un peu ce monde du Far West qui était quand même assez instable. Mais voilà, on est après tout, c'est pas non plus trop dommageable, mais j'ai l'impression que voilà, on est en train de vivre ce qu'on a. Alors nous, on n'a pas vécu forcément ce genre de phénomène, mais on est en train de revivre ce dont l'histoire monétaire est assez coutumière, c'est-à-dire on expérimente une nouvelle forme, voilà. D'ailleurs, on sait à peine, on dit crypto-monnaie, mais est-ce vraiment de la monnaie ou pas? Est-ce que c'est un actif spéculatif, un jeton, etc., etc. Même sur la définition, on est encore en train de tester, voilà. Cette question est centrale parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parle de plus en plus de crypto-actifs. Parce que le fait de le limiter à la monnaie, en fait, fait que ça centralise le débat sur le fait que c'est une monnaie ou pas. Et en fait, rien que la définition de monnaie, il y en a 36. Parfois, il y a des définitions qui incorporent dans le fait que c'est une monnaie le fait que ce soit émis par un État, alors que d'autres disent, bah non, une monnaie ne peut ne pas être émise par un État. Donc, rien que sur le concept de monnaie, il y a un dissensus. Alors que les crypto-actifs, en fait, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas juste en train de parler de la monnaie. La monnaie, c'est un actif. Et Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie? En tout cas, c'est un actif ovni, c'est-à-dire c'est une monnaie, mais qui est numérique, mais c'est pas une monnaie parce que typiquement c'est ce qui a été la raison du fork de Bitcoin l'an dernier dont je parlais tout à l'heure, c'est que en fait vous aviez une monnaie, enfin du coup je vais pas utiliser ce terme, mais vous aviez Bitcoin au départ qui essayait de jouer plusieurs rôles, à la fois une réserve de valeur vis-à-vis d'un système traditionnel dont on se défiait, mais également le rôle de monnaie ou d'intermédiaire financier. En tout cas, le problème étant que économiquement c'est quand même assez exclusif, c'est-à-dire que la réserve de valeur, on veut pouvoir que ça prennent en valeur tout le temps, et donc c'est ce vers quoi se dirige Bitcoin. En l'occurrence, ça grimpe en valeur, toutes choses égales par ailleurs, mais une monnaie, ou en tout cas un intermédiaire financier liquide, on n'a pas envie que ça bouge, et on n'a surtout pas envie que ça grimpe en valeur, parce que évidemment mon euro, si demain il vaut 3 dollars au lieu d'un dollar, bah, je vais attendre demain avant de le dépenser, et vice versa, s'il vaut 3, 5, 10 machin, je le dépense jamais. Donc en fait, ce sont deux choses qui sont plus ou moins exclusives économiquement parlant, et c'est, voilà, on est en train d'expérimenter le fait qu'il y ait eu une fourche, donc avec Bitcoin Cash qui a plutôt pris la direction de monnaie, donc de facile à dépenser, etc., et Bitcoin normal qui, à mon sens aujourd'hui, prend plutôt la direction de réserve de valeur. Voilà, ça expérimente, et c'est pour ça que c'est, d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais au tout début, on est sur de l'infrastructure, de l'architecture, et c'est aujourd'hui qu'il faut regarder ça, pas dans 20 ans, quand quelqu'un d'autre aura fait les rails dont je parlais, et qu'on roulera dessus ou on roulera pas. Rat-a-tap, rat-a-tap at the window. Love lies out the door. Money Money de Liza Minnelli à 16h bientôt 40 déjà sur France Culture. Nous parlons du Bitcoin et de la blockchain en compagnie d'Alexandre Stachenko, cofondateur de la start-up Blockchain Partner et président de l'association Chaintech, et en duplex depuis France Bleu Besançon avec Ludovic Desmet qui est professeur d'économie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors on va sortir un peu du strict registre monétaire, puisque maintenant que vous avez tout compris à la blockchain dans ses moindres détails grâce aux interventions brillantes de nos deux invités dans la première partie de cette émission, eh bien nous allons parler de ces applications, du rôle et de l'ampleur qui est pris ces derniers mois par les crypto-monnaies, mais pas que. Donc bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Puisque l'un des champs d'application de la blockchain, ce n'est pas le secteur marchand, tout au contraire, c'est en l'occurrence le don d'organes. Oui, en tout cas c'est l'objectif du projet Kidner, qui est un projet développé par de jeunes chercheurs et de jeunes développeurs lors d'un hackathon à Dublin en 2015. Le principe de ce projet, c'est de se servir des fonctionnalités de la sécurité de la blockchain pour permettre un plus grand nombre de greffes de reins. On le sait, dans le domaine de la greffe, il y a souvent plus de demandeurs que de donneurs, et l'aspect décentralisé et sécurisé de la blockchain pourrait permettre une meilleure mise en relation de ces donneurs et de ces receveurs. Sajida Zouhari, elle est la cofondatrice de Kidner, et elle nous explique comment est né ce projet et comment la blockchain pourrait être d'une grande aide dans le domaine médical. Donc le projet Kidner, il a démarré lors d'un hackathon en 2015, en novembre, à Dublin. Et en fait, c'était un hackathon blockchain. Et donc lors de ce hackathon, on a essayé de trouver des cas d'usage intéressants qui utilisent la blockchain. Et on voulait vraiment s'écarter des cas d'usage financiers classiques. Et donc là, il y a une personne qui a décidé qu'on pouvait essayer de travailler dans le domaine de la santé. Donc évidemment, personne n'avait vraiment d'idée sur comment mettre de la blockchain dans la santé. Et il se trouve qu'un des participants avait un livre qui avait été écrit par Alvin Hiro, qui est un prix Nobel d'économie et qui a écrit le livre Who Gets What and Why. Et parmi son étude des marchés cassés, comme il les appelle, c'est-à-dire les marchés où il y a souvent plus de demandes que d'offres, il a commencé à parler du marché du rein. Donc ça peut étonner, mais effectivement c'est un bel exemple de marché cassé, puisqu'on a une offre qui est extrêmement limitée et par contre une demande qui elle est même croissante à cause des maladies chroniques rénales. Et donc on s'est dit, si on étudiait justement cette technique qui est le don croisé de reins, qui consiste en fait à matcher des paires de donneurs-receveurs pour faire des échanges en fait en termes de transplantation, eh bien ça pourrait être un beau cas d'usage qui permettrait de sauver la vie des gens. Maintenant, pourquoi la blockchain ? La blockchain, en fait, elle va nous permettre de créer ce qu'on appelle un pool, donc c'est-à-dire une base de données assez conséquente où on peut mettre un maximum d'informations et notamment de paires donneurs-receveurs. Pourquoi on a besoin d'un pool ? Parce que plus on a justement de donneurs-receveurs, plus on a de probabilités de créer des correspondances entre des donneurs et receveurs de différentes paires. Donc pour cela, c'est pas forcément l'algorithmique qui est compliqué, puisqu'on sait quels sont les critères nécessaires pour matcher en tout cas des personnes. Par contre, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est ce type de base de données. Alors maintenant, si on rentre dans le cas concret, comment on peut créer ce type de base de données ? Étant donné que tout est en silo dans le monde actuel, et aussi que, en général, les hôpitaux sont peu, je dirais, enclins à partager leurs données avec d'autres hôpitaux. Et donc l'idée, c'était de dire, avec la blockchain, on peut créer un réseau d'hôpitaux qui souhaitent participer dans l'initiative Kidner et qui du coup vont contribuer tous sur cette blockchain-là de manière décentralisée, sans qu'un hôpital soit le dirigeant ou une autorité centrale, sans que toutes ces données soient stockées dans un pays ou un autre, parce que ça créerait également des tensions, mais plutôt utiliser la blockchain non seulement comme un outil technique, mais également comme un outil de gouvernance. C'est-à-dire que ça nous facilite énormément la discussion et peut-être ce qu'on pourrait appeler une sorte de conduite du changement auprès de ces hôpitaux. Et donc, ils seront plus enclins à aller faire ce type de vision plutôt qu'une vision traditionnelle où on aurait une grosse base de données dans un certain pays qui contiendrait en fait des données de patients étrangers. Voilà, donc la blockchain dans Kidner, on l'utilise pour ça. Sur un point plus technique, on l'utilise parce que c'est une technologie décentralisée, donc elle est résiliente, tout est redondé, toutes les informations sont redondées. Après, il y a la transparence qui est importante dans cette technologie. Or, et c'est un de mes sujets de recherche, transparence et confidentialité, comment on les connecte. Ça peut paraître opposé, mais donc du coup, on va prendre d'autres technologies, notamment de la cryptographie, qu'on va mettre au service de ce cas d'usage-là, pour non seulement sécuriser les données, préserver la confidentialité de ces données, et également l'anonymat des personnes qui sont enregistrées sur Kidner. Montrez-moi un petit peu comment ça pourrait marcher, un cas concret, de personnes qui attendent un rein, de personnes qui veulent donner un rein, de personnes qui ne sont pas compatibles entre elles, mais qui pourraient être compatibles avec d'autres personnes à l'autre bout de la planète. Alors, on va prendre un cas concret. Donc, si on prend Alice et Bob, donc on a une première paire. Ce qui se passe, c'est que Alice est une patiente située, par exemple, en France, qui souffre d'insuffisance rénale et donc qui doit faire une dialyse 3 fois par semaine. Et puis, Alice, en fait, a une chance. C'est celle d'avoir Bob dans son entourage, par exemple son mari, qui souhaite lui donner son rein. Le problème, c'est que quand ils vont chez le médecin, ils découvrent qu'ils sont incompatibles. Et donc là, c'est la fin de l'histoire, en tout cas, normalement. Et ce que Kidner propose, c'est une suite. C'est-à-dire de dire, en fait, ça ne fait que commencer. Maintenant que vous avez trouvé un donneur volontaire, incompatible, rejoignez Kidner, entrez dans le pool, et nous, on va vous trouver une autre paire. Donc cette autre paire, c'est deux personnes qui sont dans la même situation. Donc prenons Dave et Carol, qui sont en Irlande, en Allemagne, qui sont dans la même situation d'incompatibilité. Eh bien, une fois qu'ils se seront enregistrés sur Kidner, via leur médecin, bien entendu, parce qu'on ne peut pas s'enregistrer sur Kidner depuis son salon. Hein. Il faut qu'il y ait une vérification à la fois médicale et psychologique pour savoir si ces personnes-là sont prêtes à entamer l'aventure de la greffe. Hein. Et bien, une fois qu'elles sont enregistrées, notre algorithme va générer un calcul et voir si ces personnes se connectent avec d'autres paires déjà enregistrées. Quelles sont les données en jeu à ce moment-là? Alors, on va principalement regarder le groupe sanguin, l'âge, ce qu'on appelle les HLA également. Et donc, on va essayer de voir si, en tout cas, à un premier niveau de vérification, il y a une correspondance possible. On va également essayer de regarder un score de santé. Voilà, parce que après il y a des règles aussi dans la greffe qui consistent à essayer de transplanter les gens qui sont à peu près dans la même catégorie d'âge, à peu près avec un niveau de santé équivalent. Et en plus dans le don croisé, quelque chose qui pour nous est important, c'est d'avoir des dons croisés justes. C'est-à-dire que il faut que les personnes qui sont mis en jeu dans la correspondance aient un niveau de santé équivalent. Parce que ça serait dommage qu'une personne donne son rein à une autre et que ça soit le cas de l'autre paire, mais qu'il y en ait une qui soit plus malade que d'autres et donc la greffe peut échouer. Donc il n'y a pas de réponse simple à cette question puisque en fait on prend en compte beaucoup plus de variables. Donc on a un algorithme assez complexe. Et donc une fois que c'est le cas, une notification en fait part aux docteurs qui ont enregistré chacune des paires en leur disant voici l'identifiant de la correspondance qui a été trouvée pour vos patients avec un numéro. Du point de vue de la blockchain, en fait elle ne connaît pas les patients. Elle connaît juste ce numéro. En revanche, c'est le médecin qui, lui, maintient, par exemple, localement, au sein d'un réseau sécurisé, une table de correspondance entre cet identifiant qui n'a de valeur pour personne d'autre et qui est sur la blockchain, et, par exemple, un numéro de patient propre à l'hôpital. Et donc, lui va savoir dire « ce match correspond à ce dossier patient ». Et après, il pourra contacter son homologue et dire « effectivement, j'ai trouvé un match via Kidner », et lui va dire « moi aussi, bon, maintenant, on discute ». Donc, peut-être, nous, nos prochains objectifs, c'est d'être en relation avec l'agence de biomédecine qui, aujourd'hui, gère la liste des demandeurs de reins, d'organes, et de discuter également avec les personnes qui font des greffes, avec les docteurs, les chirurgiens et les associations patients. Finalement, on a plus un challenge de fédération de l'écosystème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va se structurer en association. Et l'objectif, c'est de mettre tous ces acteurs autour d'une table et de voir comment on peut créer ce monde où la blockchain se met au service des humains. Créer ce monde où la blockchain se met au service des humains, Alexandre Stachenko, comme quoi cette technologie mise en place dans un système de monnaie, d'échanges commerciaux peut avoir d'autres débouchés que les simples monnaies ou les actifs que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a toute la partie monnaie qui est en fait historiquement la première, mais évidemment c'est ce que je disais, la partie registre en fait, une fois qu'on a compris qu'on peut y faire circuler de la valeur en pair à pair de manière sécurisée, eh bien on peut y mettre tout un tas d'actifs et on peut également sécuriser des faits. Je pense que la partie dont se sert Kidner pour la blockchain par exemple, ça, une partie qui est très importante, c'est de sécuriser, d'enregistrer le consentement des patients. Ça peut se faire aujourd'hui, mais en passant par des institutions tiers en l'occurrence, qui on va devoir dévoiler un jour ou l'autre, qui sont l'identité des patients. Il y a le même principe, par exemple, dans le graphisme, avec les enveloppes solo à l'INPI, c'est-à-dire qu'à l'INPI, donc l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, vous pouvez déposer ce qu'on appelle une enveloppe solo, c'est-à-dire vous prouvez l'antériorité de votre dessin ou de votre graphisme pour dire, si quelqu'un le fait après moi, non, c'est moi qui l'ai fait d'abord et j'ai la propriété intellectuelle là-dessus. Sauf que vous êtes obligé déjà de payer l'enveloppe solo et ensuite de révéler votre graphisme à l'INPI. Ce que permet la blockchain, c'est qu'on rappelle, c'est un registre inaltérable puisqu'il est extrêmement sécurisé et résilient, donc pourquoi public. Pas voilà, mais pourquoi pas aller mettre une preuve d'existence de quelque chose, par exemple mon graphisme, sur une blockchain, Bitcoin, Ethereum, une autre, enfin une blockchain, ce qui en garantit l'existence de manière pérenne, puisque finalement, même si moi je m'enlève du registre, le registre continue d'exister, et pour le coup je ne dépends plus d'un tiers. Accessoirement, généralement, les frais sont bien moindres. Donc ça, c'est par exemple un premier cas d'usage. Évidemment, la certification, alors nous, à Blockchain Partner, on a un produit qui s'appelle Data Trust, qui fait ça bien, alors ça touche, on disait, hein, ça touche avec Kinder, se sert de ça, mais il y a plein de cas d'usage là-dessus. Il y a évidemment de la certification de consentement, il y a de la protection de design de propriété intellectuelle, il y a tout ce qui concerne les produits de luxe, donc les designs de produits de luxe, il y a la certification des ordonnances, il y a la certification des RIB, enfin il y a des tout, médicaments, voilà, des... il y a tout un tas de cas d'usage qui sont possibles. Mais derrière, le fait de pouvoir faire circuler des actifs, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est la tendance qui suit derrière, ce qu'on appelle la tokenisation ou la jetonisation, exactement. Ça veut dire qu'on va pouvoir représenter numériquement de la valeur et lui faire prendre toutes les caractéristiques d'une blockchain. Donc voilà, au lieu d'avoir un vélo et de le posséder, je vais créer un jeton vélo et dire que je possède ce jeton vélo, mais ça veut dire qu'il devient extrêmement liquide sur un marché mondial, etc., etc. Donc là, extrêmement intéressant toute cette jetonisation parce que ça concerne les actifs, les votes, les actions, les securities, un peu tout ce qu'on veut. Et c'est là qu'est la vraie, entre guillemets, révolution. Alors, il n'y a pas que ça, mais évidemment, c'est un point central. Ludovic Desmet, effectivement, quand on voit l'ampleur, finalement, de cette modification de toute forme de transaction, d'échange, de certification que rend la blockchain possible, on se dit qu'on est en train de toucher du doigt, d'avoir ouvert les portes d'une forme, voilà, de nouvelle ère de l'échange de pair à pair, de biens à personne, etc. Oui, la découverte de Nakamoto, ou en tout cas la proposition de Nakamoto, l'aspect financier monétaire n'est qu'un des aspects, peut-être pas d'ailleurs le plus révolutionnaire de ces échanges de certification, parce qu'il y a aussi des conséquences dans tout ce qui est bon, droit d'auteur, c'est ce qui a été dit, mais aussi par exemple le cadastre. Hein, on peut très bien imaginer des cadastres totalement décentralisés où les échanges de biens immobiliers se feraient par un blockchain, tant que le système tient. Alors après, est-ce que des supercalculateurs ne permettraient pas de rebattre à nouveau toutes les cartes et les ordinateurs quantiques permettraient de s'approprier certains biens de manière illégale, induite. Bon, voilà. Mais en tout cas, l'aspect monétaire et financier n'est qu'un des aspects. C'est vraiment un couteau suisse, cette blockchain, et on peut imaginer plein de prolongements dans beaucoup de domaine. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que au début, conçu comme étant un moyen de contourner le système bancaire ou le monopole bancaire, en fait, on voit très bien aujourd'hui qu'on est dans une phase où les banques elles-mêmes expérimentent, non seulement les banques centrales, mais aussi les banques commerciales, expérimentent le système pour permettre de transmettre des actifs financiers de manière plus rapide, plus transparente. Et donc, voilà, on a... Pour on spéculer a un peu un aussi, bouleversement. Par la même occasion. Ah, oui, puisque aussi, Chicago... les marchés à terme se sont branchés sur le système qui était normalement conçu pour justement les exclure. Alors c'est là que l'ironie un peu de la situation actuelle. Est-ce qu'on commence pas justement à atteindre un peu les limites de ce système-là, puisque cette expérience, effectivement, encore une fois, qui voulait être hors système ou recréer un système parallèle qui soit plus fiable que le système qui était défaillant, est en train d'être récupéré par ce propre système. On a des unions de banques qui commencent même à créer des crypto-monnaies, hein, Barclays, le Crédit Suisse, HSBC sont en train d'essayer de le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train justement de voir le système cannibalisé, phagocyté par le système qu'il voulait justement contourner ? Oui et non, c'est-à-dire que ce qu'a créé Bitcoin et la blockchain et toutes les crypto-monnaies et crypto-actifs qui s'en suivent, c'est une proposition à ceux, auxquels le système ne convient pas. Et donc en fait, c'est aujourd'hui, si on n'est pas bancarisé par exemple, ou si on ne veut pas se bancariser et qu'on veut un système alternatif, c'est ce qui est innovant dans Bitcoin ou dans les autres crypto-monnaies ou crypto-actifs, c'est de dire ben voilà, je propose une alternative sans banque, sans tiers, vous n'avez pas besoin de faire confiance à toutes ces personnes-là. Ça ne veut pas dire pour autant que les acteurs qui existent aujourd'hui vont complètement disparaître. Il y a des choses que la blockchain ne fait pas. Typiquement, on parle souvent du fait qu'on va ubériser les notaires, qu'ils ne vont plus exister parce que la blockchain fait tout. Non. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on va certifier l'existence de quelque chose sur la blockchain. Très bien, mais ça ne certifie jamais que l'existence et l'intégrité. Mais où est l'authenticité ? L'authenticité, savoir que mon dessin ou mon certificat est un vrai ou un faux, la blockchain, elle n'en sait rien. Donc il faut toujours quelqu'un qui va dire ça, c'est un vrai document, ça, c'est un faux document. En fait, le parallèle qu'il faudrait faire avec les banques qui s'approprient ce système et qui peut sembler un peu ironique, mais en réalité, encore une fois, pareil, nous, dans notre startup Blockchain Partner, on accompagne la plupart du temps des gros comptes, des grands comptes, donc des banques, des institutions financières, des assureurs, des industriels, etc. En réalité, c'est un peu le parallèle qu'il faut faire avec les intranets et Internet. C'est pas parce que Internet est la vraie révolution que les intranets servent à rien. Les premières briques d'expérimentation ont été faites en intranet, parce qu'évidemment, c'est plus sécurisé, on contrôle mieux ce qui se passe, on comprenait pas trop Internet. Là, c'est la même chose. Donc, on a des blockchains qu'on appelle de consortium, où les nœuds ne sont pas forcément ouverts, publics, on décide qui sera dans la gouvernance, mais ça permet quand même d'améliorer des process, de gagner en efficacité, en temps, en coût, etc. Donc là, c'est ce qu'on fait à la Banque de France, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a pu faire à la BNP, c'est ce qu'on a pu faire pour l'État de Genève, d'ailleurs, qui le fait pour des services publics. Donc, il y a plein d'implications qui, elles, sont, entre guillemets, de consortium ou fermées. Ces applications-là ont très généralement une vocation d'amélioration de l'existant. Amélioration d'existant pour des gens à qui le système convient. Et il y a quand même, pour terminer là-dessus, il y a quand même effectivement le fait que ça propose une alternative, et c'est ça qui est révolutionnaire sur tous les crypto-actifs. Est-ce qu'on n'est pas, pour conclure cette émission, est-ce qu'on n'est pas en train de laisser de côté la moitié de la population terrestre, hein? On parle là en l'occurrence de monnaie, d'actifs, de certification, de nouveaux modes transactionnels. Rappelez peut-être qu'un adulte sur deux ne possède pas de compte en banque, ne passe que par du cash aujourd'hui, le Vic des Smet. Oui, et puis si on évacue la banque, on évacue aussi ce qui va avec, c'est-à-dire le crédit. On ne possède des bitcoins que si on les achète, donc si on a déjà une somme à sa disposition, ou si on les mine, ce qui a quand même un coût assez phénoménal. Donc la comparaison avec l'or vaut ce qu'elle vaut, mais on ne possède l'or que si on a réussi à l'acheter ou si on l'a miné soi-même. Et or, le crédit, c'est quand même ce qui fait tourner les économies modernes. Et jusqu'à présent, le système des crypto-monnaies ne crée pas de crédit, ne récompense que ceux qui ont investi déjà des sommes, soit considérables dans des fermes de minage, soit parce qu'ils ont déjà accumulé des dollars dans le vrai monde, entre guillemets, et qu'ils ont pu acheter des bitcoins. Donc cette dimension-là est quand même fondamentale. Donc je ne pense pas qu'il y ait forcément compétition entre les deux mondes, mais on va peut-être venir à des passerelles et à des phases de complémentarité avec effectivement le risque d'exclure une bonne partie de la population. Ah, sur ces inégalités, un mot, hein, 1000 personnes qui détiendraient 40% du stock de bitcoin, tout à fait. C'est vrai. Alors, c'est effectivement, c'est dû à l'histoire de Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui on a une centralisation de la détention des Bitcoins qui est très forte. Alors j'ai pas les chiffres sur la richesse des dollars ou des euros, mais on est proche de 1% qui possède la moitié de la planète, donc je pense pas qu'il y ait de critiques spécifiques à faire là-dessus. Mais justement, moi je le prends dans l'autre sens, c'est-à-dire que ne serait-ce que philosophiquement et idéologiquement, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies et les autres crypto-actifs ont pour but de proposer une alternative à ceux que le système rejette. Donc en fait le système rejette quand on ne passe que par du cash parce qu'on n'a pas de compte en banque et que oui, tout mais se fait en justement, en fiduciaire, on n'a pas accès au bitcoin. Alors, on n'a pas accès du tout à cette idéologie. À l'inverse, justement, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans un pays en voie de développement qui n'est que peu bancarisé, vous n'avez pas de compte en banque. Donc Bitcoin vous propose une alternative qui vous dit bah votre banque c'est vous-même. Donc bon, après on pourrait détailler, mais je voudrais juste ajouter un tout petit point, c'est que on disait c'est l'expérimentation, c'est la phase d'expérimentation. Donc on dit il n'y a pas de crédit, si ça arrive, ne serait-ce que par la monnaie programmable. Là aujourd'hui, on en est à la première étape où on peut faire du virement, on envoie de l'argent. Mais demain, et même aujourd'hui, ce qui se fait avec d'autres blockchains, on programme. On peut très bien dire, je programme ce transfert de valeur si on décentralise non plus l'échange de valeur, mais la confiance et l'exécution de la confiance. Et ça promet de belles choses. Ça promet d'autres émissions, en tout cas, pour poser un certain nombre de questions autour de ces blockchains, de ces nouveaux actifs décentralisés. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir apporté un certain nombre d'éclaircissements et d'explications. Merci. Merci Alexandre Stachenko. Hein, je rappelle, vous allez collaborer à cet ouvrage, la blockchain, décrypter les clés d'une révolution qui est disponible. On va vous le remettre sur netexplo.org ainsi que sur votre site. Merci aussi beaucoup à vous, Ludovic Desmet, et merci aux camarades de France Bleu Besançon pour le duplex. Merci encore à toute l'équipe de la méthode scientifique. Sarah Higeman, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Antoine Pitiloni à la technique, et la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, troisième épisode de la série documentaire Mon métier, c'est avocat par Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre. Tout à l'heure, à 18h20, le grain à moudre, la sécurité routière va-t-elle dans le bon sens, par Hervé Gardette et ses invités. Et pour ce qui nous concerne, demain, nous vous raconterons l'histoire de l'une des grandes unifications de la physique. Lorsqu'un homme comprit que l'électricité et le magnétisme étaient une seule et même chose, cet homme c'est James Clerk Maxwell. On vous en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.